Lire et Temps, votre émission littéraire présentée par Mona. Bonjour à tous. J'ai le plaisir d'accueillir Anne Villemin-Sicherman qui vient nous parler de son roman Le souper de Lafayette, publié aux éditions du Quotidien et qui a reçu le grand prix de la ville au Salon du Livre d'Agondange. Bonjour Anne. Bonjour Mona. Alors, vous pouvez vous présenter, nous parler un peu de vous? Bien sûr. D'abord, je vous remercie de m'avoir invitée. Et en arrivant par le train, j'ai eu le plaisir de parcourir un peu cette bonne ville de Nancy, où je viens beaucoup plus rarement, puisque maintenant j'habite à Metz. Mais j'y ai quand même habité pendant 15 ans. J'ai passé 6 ans chez les Dominicaines en pension pendant mes études secondaires. Et ensuite, j'ai effectué mes études de médecine à Nancy, ce qui fait que j'y ai passé environ 15 ans. J'ai donc exercé la gynécologie et j'ai pris ma retraite, gynécologie médicale dans la région de Metz, et j'ai pris ma retraite et depuis je me consacre à l'écriture. Oui, alors vous êtes médecin donc de formation, alors qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire? C'était là toujours? Oui, c'était toujours là, et quand on est médecin on a très peu de temps pour soi et puis quand on a des charges de famille c'est encore plus difficile, donc je me réservais cela pour plus tard. Et je dois dire que quand j'ai pris ma retraite, c'était déjà dans ma tête. Je n'avais pas d'histoire vraiment conçue, mais je savais que je voulais écrire une série policière qui se passe au XVIIIe siècle, à Metz principalement, et qui aurait pour enquêteur un vétérinaire, ce qui est quand même assez original dans le style policier où on voit plutôt des commissaires de police divorcés, alcooliques, plein de problèmes. Là, j'ai choisi un vétérinaire optimiste, qui va de l'avant, qui traverse lui-même des épreuves, mais qui s'en sort toujours. D'accord. Alors, c'est un roman donc policier historique. Alors, pourquoi ce choix? Vous aimez les intrigues et l'histoire? J'aime beaucoup l'histoire. J'avais un père qui était vétérinaire et qui a passé un doctorat en histoire à l'âge de 75 ans. Donc, pour moi, c'était un petit peu un modèle. Et j'ai campé un vétérinaire parce que il était le troisième d'une lignée de vétérinaires de père en fils. Et dans ma génération, nous étions 5 enfants, personne n'a relevé le défi, et donc j'ai dit à mon père, je vais te donner un successeur, ce sera un vétérinaire de fiction. Voilà pourquoi Augustin Duroc existe. Et donc j'ai choisi le XVIIIe siècle, lui c'est par passion pour l'histoire de cette époque, bien que je n'aurais jamais aimé y vivre, mais je trouve que c'est tout à fait passionnant. Et j'ai aimé les séries historiques pour en avoir lu moi-même, qui se passaient pas du tout à cette époque-là, qui se passaient à l'époque de la République romaine. J'ai tellement aimé ça que je me suis dit que c'était un genre qui me plaisait. Oui. Alors vous avez dû faire de minutieuses recherches pour décrire la vie au XVIIIe siècle. Oui, ça nécessite énormément de lectures annexes. J'ai la chance d'avoir un mari extrêmement lecteur et moi aussi, donc nous avons à nous deux à peu près 6000 livres chez nous. Donc il y a déjà de la documentation sur place. Oui, c'est fait. Alors pourquoi spécialement le XVIIIe siècle? Je trouve que c'est d'abord, comme je voulais mettre en scène un vétérinaire et dans une époque passée, pour que ce soit pas trop un personnage qui colle à mon père, bien qu'il lui ressemble beaucoup, le XVIIIe siècle, bien parce que les écoles vétérinaires ont été fondées, inventées par les Français au XVIIIe siècle. La toute première école a été fondée à Lyon en 1762 et mon jeune vétérinaire sort de la toute première promotion de cette école. Alors vous pouvez nous parler du souper de Lafayette? Alors, le souper de Lafayette se passe en 1775, à une époque où Lafayette est en garnison à Metz. Ça dure, il y reste à peu près un peu moins d'un an. Et c'est lors de ce séjour qu'il va se décider de partir au secours des insurgents d'Amérique. C'est à Metz, lors du fameux souper du 8 août 1775 que je mets en scène. Bon, on sait en gros quels étaient les personnages présents à ce fameux souper, dont les Altesses royales d'Angleterre, pour lesquelles mis en scène ce souper. Les Altesses royales d'Angleterre, lui, le duc de Gloucester, était le frère du roi d'Angleterre, George III, et il était en voyage, et il a fait une étape à Metz d'une dizaine de jours, nous disent les gazettes locales. Et il était donc pas du tout en accord avec son frère sur la politique à mener avec les colonies d'Amérique. Et Lafayette, entendant cela, se passionne pour ce que disait le frère du roi d'Angleterre au cours du souper, et Donc le frère du roi d'Angleterre était pour une solution négociée avec les colonies qui n'en pouvaient plus de tous ces impôts qu'ils devaient verser à la couronne d'Angleterre. Et c'est pour d'où le but de cette révolte qui commençait à poindre. Et Lafayette se passionne pour cette idée-là et se dit « mais il faut leur prêter secours, ils doivent conquérir leur indépendance ». Donc il s'est enflammé pour cette idée à Metz lors de ce fameux souper. Et donc j'ai inventé une intrigue, bien sûr, de mon cru autour de la présence de Lafayette. Oui, bien sûr. Alors donc, on sait effectivement que ce souper a eu lieu d'après les mémoires de Lafayette. Ah oui, les chroniques locales, on sait d'après les affiches de Metz des Trois Évêchés, qui était un périodique hebdomadaire, que le duc et la duchesse de Gloucester ont passé une dizaine de jours à Metz, qu'il y a eu ce souper donné par le comte de Broglie, qui était commandant en chef des Trois Évêchés, et donc Lafayette, qui était son aide de camp, était présent, et on sait par ses mémoires à lui, qu'il s'est passionné pour cette histoire des colonies américaines. Alors nous revenons après la danse des esprits bienheureux, extrait d'Orphée et d'Eurydice de Gluck. Alors, nous sommes toujours avec Anne Villemain-Sichorman. Votre héros, Augustin Duroc, est un personnage fictif, artiste, vétérinaire de son état. Alors, c'est un homme des Lumières, il est curieux de tout et est très très au fait des avancées médicales. Presque un surhomme, en fait. Oui, c'est vrai. Alors, je reviens sur le fait qu'on les appelait artistes vétérinaires. Ça ne veut pas dire qu'il était artiste peintre ou qu'il exerçait quelque art autre que celui de la médecine, puisque à l'époque, on considérait la médecine comme un art. d'où son nom. Et ce nom d'artiste vétérinaire a persisté jusqu'à la fin du 19e siècle. Alors oui, évidemment, je lui fais faire des découvertes. Alors pour ça, je me suis un petit peu inspirée de mon père qui, lui, exerçait donc dans les années 50-60 et il inventait des traitements nouveaux. Et ça m'avait toujours fascinée. Apparemment, c'est quand même quelque chose d'assez rare. Il inventait des choses, il était très bricoleur. Et donc, je me suis dit qu'Augustin Duroc devait être un petit peu semblable puisque au XVIIIe siècle, c'est donc l'époque du progrès où justement on fait des inventions, on fait des découvertes dans des tas de domaines, et lui applique avant la lettre ce qu'on appelait l'inoculation à l'époque, qui s'appliquait uniquement pour la variole et qui était très décriée parce qu'il y avait, pas mal d'échecs à la méthode, il y avait des gens qui développaient la maladie au lieu d'être protégés, et lui invente 100 ans avant que ça ne se fasse vraiment l'inoculation pour la pleuropneumopathie bovine. Voilà, donc pour moi, c'était quelque chose de possible, puisqu'on le faisait déjà pour la variole. Donc, j'ai imaginé qu'Augustin Duroc le faisait pour les bovins, parce que c'était quand même un problème à l'époque, ces épidémies dans les troupeaux qui étaient dévastatrices, qui avaient un coût économique. C'est d'ailleurs le pourquoi de l'invention des écoles vétérinaires, pour soigner les chevaux, qui étaient le moyen de transport le plus rapide de l'époque, et pour traiter ces épidémies des troupeaux qui avaient un coût important. Oui. Alors c'est un homme très très occupé, il est toujours par Mont et par Vaux pour son métier et pour ses enquêtes. Et en même temps c'est un homme très bon qui se préoccupe des autres, il est très très attachant. Je me demande toujours quand est-ce qu'il dort. C'est vrai qu'il est très occupé, je me suis demandé si au XVIIIe siècle les gens étaient aussi occupés, parce qu'on a l'impression que c'est quand même un mode de vie très moderne d'avoir toujours quelque chose à faire. Et je me suis demandé si justement il n'en faisait pas trop pour son époque. Alors, vous avez aussi créé un merveilleux personnage de femme en la personne d'Éléonore de Cussanges. Vous pouvez nous en parler un peu ? Alors, c'est un personnage entièrement inventé, qu'on retrouve dans chaque roman, et qui apporte un petit peu la touche féminine. Et en plus, au XVIIIe siècle, elle représente un peu l'idéal féminin des aristocrates qui avaient une éducation, pour certaines, presque équivalente à celle des garçons, qui, d'ailleurs on verra dans mon cinquième roman que je termine, je suis en train d'en faire la relecture, elle manie l'épée, donc j'ai rajouté ça après coup, que dans son éducation, elle avait eu aussi une éducation un petit peu de garçon, en ce sens que son père avait insisté pour qu'elle prenne des leçons d'escrime, ça se faisait, hein. Les femmes aristocrates pratiquaient l'escrime. Et aussi l'équitation, elle exige par exemple de chevaucher comme les hommes et non pas comme des Amazones, c'est-à-dire avec les deux jambes du même côté, parce qu'on considérait que chevaucher à califourchon c'était impudique pour une femme. Mais il y a quand même un tableau célèbre qui représente Marie-Antoinette qui chevauche comme un homme, elle est toute jeune et on la voit en tenue de cavalier. Oui, c'est vrai. Alors, elle partage son temps entre l'hôtel de Cussanges à Metz et son château de Gouin, qui, lui, existe. Alors, j'ai fait ma curieuse et je suis allée sur Internet pour regarder le château de Gouin. Et j'ai vu que ce château est en vente actuellement. Oui, il est en vente, mais c'est une ruine. Et je pense que le propriétaire est vraiment trop gourmand. Et personne ne peut acheter un château dans lequel il faut autant de travaux que le prix qu'il en demande. Et je pense que c'est invendable. 735 000 euros, j'ai pas trouvé que c'était... Ah, 735 000 oui, mais il a baissé, parce que c'était plus d'un million. Oui. Alors, c'était un château Renaissance, mais qui a été remanié au XVIIIe siècle. Oui, il a été remanié au XVIIIe siècle. Lui. Il y a même une partie médiévale à l'arrière, des tours médiévales. Quand on fait le tour du château, on voit qu'il y a toutes sortes de... Comme ça s'est fait très souvent, on part du Moyen-Âge et puis il y a des ajouts successifs. Oui. Alors, vous qui manifestement aimez ce XVIIIe siècle, ça ne vous donne pas envie de l'acheter ? Ah non, je n'ai pas les moyens de me mettre ça sur le dos. Non, c'est surtout... Oui, j'ai surtout les moyens de faire. Oui, c'est ça, c'est pas simplement acheter une ruine, il faut aussi l'entretenir, la mettre en valeur. Et il devait y avoir un parc magnifique, et là, on voit des constructions tout autour, des ensembles modernes tout autour qui enserrent le château, ça devient laid, quoi. Oui. Alors la vie était plutôt douce pour les gens bien nés, ah oui. Nettement moins pour les gens du peuple, nettement, oui. Notamment ces filles à soldats, puisque Metz était une ville de garnison. Oui. Alors racontez-nous voir un peu leur vie, et surtout, parlez-nous de cette tour d'abandon. Dans les villes de garnison, alors Metz était la plus grosse place forte du royaume, donc elle avait une garnison très nombreuse, où il y avait à peu près 3000 soldats, et autant, non, plus, beaucoup plus que ça, 8000 soldats et 3000 chevaux, je parle des chevaux parce que c'est toujours le vétérinaire qui est dans ma tête. Et toutes les villes de garnison attiraient la prostitution parce qu'il y avait beaucoup de femmes misérables qui n'avaient que ce seul moyen de vivre, pour peu qu'elles-mêmes aient vécu des tragédies dans leur enfance ou qu'elles viennent de familles qui n'avaient pas les moyens de leur assurer la subsistance. Donc elles partaient souvent ailleurs que dans la ville où elles étaient nées. On voit des femmes de tous les coins de France qui étaient à Metz. Je le sais parce que j'ai fait des travaux d'histoire il y a une vingtaine d'années à propos des femmes en prison à Metz, et les prostituées venaient des quatre coins de la France. Et donc ces malheureuses, eh bien, elles vivaient misérablement et elles étaient souvent enceintes et abandonnaient leurs enfants, comme ça s'est beaucoup fait au XVIIIe siècle, quand elles ne les tuaient pas de leurs propres mains. Oui, bien sûr. Et donc, cette tour d'abandon, alors, c'est... la tour d'abandon, c'était un petit peu... Dans toutes les villes, il y avait ça. Ça a commencé à Paris. Il y avait des hospices pour enfants où on abandonnait les nouveau-nés. Et pour éviter de les laisser sur la voie publique, il y avait dans ces hospices une tour, un cylindre, avec un guichet. On déposait l'enfant emmailloté. Parfois, la femme qui désirait le retrouver après avoir refait une petite fortune mettait un petit mot ou un signe distinctif ou une lettre déchirée en deux qu'elle laissait sur le nourrisson. Et puis, on fermait le guichet. Et puis, de l'autre côté, il y avait une sœur qui ouvrait une autre porte. Il y avait une cloche. Et une sœur ouvrait la porte de l'autre côté pour récupérer le bébé. Bon, la mortalité infantile était terrible à cette époque, puisque seulement un enfant sur quatre passait l'âge de un an. Alors vous mélangez allègrement les personnages fictifs et les personnages historiques. C'est pas difficile de savoir. Non, bien sûr, c'est normal dans un roman historique de mélanger la fiction avec avec l'histoire. Là, oui. Alors évidemment, le lecteur a du mal à s'y retrouver. Ça, je veux bien vous croire, vous savez plus où vous en êtes. Hein. Ah si, à peu près. Si. Ça va pas poser de problème. Bon. Non, mais je me disais que ça devait être jouissif de faire parler des personnages historiques. Ah oui, d'imaginer leurs dialogues. Oui, bien sûr. Parce que le souper, par exemple, je suis partie des propos historiques et j'ai inventé tout un dialogue, parce que le souper se déroule sur plusieurs scènes, sur plusieurs chapitres, avec des intermèdes, avec d'autres scènes qui arrivent en même temps, et j'ai inventé les dialogues. En reprenant des paroles historiques, j'ai quand même inventé tout ce qu'il y a autour. Ben oui. Oui, j'imagine bien que ça doit être... Alors, la Fayette est un personnage extraordinaire, hein, quand même. Je trouve qu'il est très, très inspirant. Mais en même temps, il est très jeune. Il est très jeune, il a 17 ans à l'époque. Oui, il a une maturité. Tout jeune marié. Oui, il a une maturité époustouflante. Mais bon, il ne faut pas comparer les siècles, mais à l'époque, un homme était fait... À 20 et quelques années, c'était un homme, quoi. Il prenait des responsabilités, il partait à la guerre, il était souvent, il avait des grades dans l'armée importants. Non, c'était l'époque qui voulait ça. Et puis dans les campagnes, les fils travaillaient rapidement avec leur père. C'est plus du tout comme maintenant. Hein. Oui. Alors le commandant de la garnison, le comte de Broglie, oblige ses soldats, pour éviter un peu la dispersion, oblige ses soldats à aller au théâtre. Oui, je ne l'ai pas inventé. Hein, oui. Racontez-nous l'histoire des petits papiers que je ne connaissais pas au théâtre. Ah oui, au théâtre de Metz, on envoyait des petits papiers pour donner son impression sur le spectacle auquel on assistait. Et ça pouvait être des insultes, des choses comme ça. Et bon, souvent, ça dégénérait en bagarre, puisque les soldats de bas grade devaient rester en bas, n'étaient pas assis, restaient debout. Et souvent, il y avait des algarades. Ça dégénérait, quoi. Ouais. Donc, ce qui est surprenant, c'est qu'on obligeait les acteurs à lire à voix haute la teneur des petits papiers. Oui, c'est curieux. Ah, bon. C'est curieux. Oui. Alors, vous avez déjà écrit la quatrième aventure d'Augustin Duroc. Cinquième. Ah oui, la quatrième est parue au mois d'août. Voilà, Un bûcher pour Versailles. Un bûcher pour Versailles. Oui. Alors, ça se passe à la fois à Metz et à Versailles. Pourquoi Versailles ? Parce qu'un des personnages, qui est donc l'intendant Calonne, qui a passé 12 ans à Metz comme intendant, hein, un intendant, c'était une sorte de préfet de région, il a été nommé en 1783 ministre des Finances par Louis XVI. Et donc, comme c'est un personnage que je trouve quand même assez attachant, je l'ai suivi à Versailles. Et donc, Éléonore, qui est devenue sa maîtresse, puisque devenue veuve, elle est devenue la maîtresse de Calonne, le suit à Versailles. Et donc, là, toute l'intrigue se déroule à la fois à Versailles et à Metz. Oui, parce que bon, Augustin Duroc, il est quand même à Metz. Il est quand même à Metz, mais il va faire une incursion à Paris et à Versailles sur les instances de Calonne qui a du mal à se dépêtrer d'une histoire qui le vise lui-même, parce qu'à l'époque, il était déjà l'objet de rumeurs, de calomnies, de malveillances qui le visaient lui personnellement. Et il y a une histoire que j'ai inventé, qui se déroule à Metz et qui semble avoir des liens avec ce qui se passe à Versailles. Donc, Calonne fait appel à Augustin, qui a donc été le vétérinaire de ses écuries pendant au cours des trois tomes précédents, et il l'appelle au secours. Mm-hmm. Et donc, vous êtes... Et il lui arrive des tas de choses. Ouais. Et vous êtes donc en train d'écrire le cinquième opus. Le cinquième, oui. Oui. Et vous n'avez pas l'intention de lâcher non. Augustin? Non. Non, il vous plaît toujours autant? Oui. Et le cinquième, c'est sur quoi ? Ça se passe le cinquième, ça se passe un petit peu avant la Révolution, en 1787. Alors, Calonne est renvoyé du ministère des Finances. Vous savez qu'à l'époque, hein, ça y allait. Turgot, Necker, Calonne. Bon. Donc, il est renvoyé, exilé dans son château de Hanoncourt, dans la Meuse, hein, près de Verdun. C'est ça, oui. Il avait un château là, qui a été détruit pendant la guerre de 14. Et donc, il est obligé de rester là, en exil, dans ce château. Et il subit là encore des menaces de la part de son successeur, Loménie de Brienne, qui essaye vraiment de le détruire dans l'esprit du roi et dans l'esprit du peuple. Et finalement, il finit par se sauver. Et la légende raconte, à Hanonville-sous-les-Côtes, on raconte qu'il a dû se sauver dans une charrette à foin. Donc pour ça, c'est du pain béni. J'ai imaginé toute la scène. Et puis, donc, il y a une autre intrigue qui se déroule à Metz et les choses... Et donc, ce cinquième parle, je ne sais pas si vous connaissez l'abbé Grégoire qui est connu à Nancy, l'abbé Grégoire qui a été un des gagnants du concours posé par l'Académie de Metz, y a-t-il un moyen de rendre les Juifs plus utiles et plus heureux dans le royaume de France ? Et l'abbé Grégoire, j'imagine, ça c'est moi qui l'invente, vient à Metz où il retrouve un de ses anciens professeurs qu'il avait enseigné à Metz. Il y avait une école qui existe toujours. Enfin, on en voit toujours les murs, en tout cas. Dans cette école, pendant 2 ans, l'abbé Grégoire a suivi des cours de philosophie auprès de l'abbé Lamourette, qui lui aussi aura un rôle dans la Révolution. Et donc, il y a toute une intrigue autour de ces personnages dont je ne vous révélerai pas la teneur. J'imagine que ça doit prendre un temps fou d'écrire un livre comme ça, parce qu'il y a des descriptions très, très minutieuses, merveilleuses. Merci. Ouais, ça prend du temps, oui, mais bon, disons, j'écris à peu près 2-3 heures par jour. D'accord. Le matin, de préférence. Je suis une matinale, je me lève entre 4 et 5 heures. Ouais. Et ça prend une année à peu près à lire ? 8 mois. 8 mois. C'est chaque fois pareil, hein. Au bout du mois, j'ai terminé, je commence les relectures, ça me prend encore 1 ou 2 mois de relecture, et puis voilà, je lâche le morceau. Alors vous avez aussi un site d'auteur ? Oui. Oui. Oui, j'ai un site que vous pouvez aller consulter. Ce sont mes deux noms, Villemain-Sicherman, sans point, .fr. Oui. Et ce site, je l'alimente très régulièrement d'images du XVIIIe siècle, de photos que j'ai faites moi-même, des photos que j'ai faites à Versailles. Parce que, bon, comme le tome 4 se passe beaucoup à Versailles, je suis allée 6 fois à Versailles dans l'espace d'un peu plus d'un an pour me plonger dans l'atmosphère. Je suis devenue complètement accro à ce château, d'ailleurs. J'y retournerai. Oui, c'est vrai qu'il est merveilleux. Mais surtout le théâtre, j'ai eu l'occasion de visiter le théâtre. Oui, le théâtre de Marie-Antoinette, très joli. Oui, en même temps, vous parlez aussi de la vie du XVIIIe siècle, des parfums, de l'hygiène, le quotidien. Oui. Le quotidien, oui, c'est très, très le intéressant. Le costume, la façon dont étaient agencées les cuisines, la manière dont on dresse le couvert. Toutes ces choses qui ont changé, mais bon, l'essentiel a été donné au XVIIIe siècle. Et le moteur de ces changements où sont apparus le beau langage et les bonnes manières, ce sont les salons du XVIIIe siècle animée par des femmes. Oui. Malheureusement, tout a basculé au XIXe siècle. Terminé les salons, les femmes ont été reléguées dans leur cuisine et auprès de leurs enfants. Hein, il y a eu un retournement. Oui. La révolution n'a pas été favorable aux femmes. Effectivement, et même au niveau de l'éducation. Oui. Oui. C'est incroyable. Au XIXe siècle, il y a une régression totale. Oui. Alors, vous avez d'autres projets maintenant que le cinquième est presque... Ah oui, bien sûr. Je vais aborder la période révolutionnaire. Là, je suis en train de lire ce qui se passe à Metz en 1789. Pas grand-chose pour l'instant, mais bon, je trouve. Mais c'était quand même assez calme en 1789. Bon, il y a eu des rivalités de... politique, mais il n'y a pas eu, à mon sens, jusqu'à présent, pas eu de révolte particulière, de châteaux assaillis, de choses comme ça. D'accord, bah c'est déjà bien, oui, quelque part. C'est pour ça que le château de Gouin est toujours debout. Oui, c'est vrai. Et le château de Penge aussi. Le château de Penge, oui. Oui, oui. J'y suis allée, c'est vrai que c'est beau. Hein. Oui. Alors, vous fréquentez les salons du livre ? Oui, bien sûr. Vous aimez la rencontre des lecteurs ? Ah oui, j'aime beaucoup ça, oui. Vous aimez ça ? Oui, vous avez des dates à... Le salon du livre de Nancy, c'est encore trop tôt. Ah oui, c'est trop tôt. Oui. Non, mais vous avez des dates là prochaines pour... Oui, je vais au salon du livre de Paris. Je suis ravie. C'est la première fois ? Oui. Parce qu'il faut pouvoir s'y infiltrer, hein. Ça c'est grâce à mon éditeur. Et donc, vous aimez parler avec les gens ? Bah, oui, j'aime ça, oui. Oui, c'est ça. Vous avez des doutes ? Ah non, pas du tout. Non, mais je trouve que ça doit être un peu impressionnant d'avoir des retours en direct. Et ça me change tout à fait de ce que j'ai fait jusqu'à présent, puisque quand j'étais médecin, les gens venaient à moi pour me demander mon avis. Enfin, c'était un colloque singulier entre deux personnes. Alors que là, c'est moi qui dois aller vers les gens. Vous voyez, par exemple, quand je suis dans une librairie, que je fais une dédicace, c'est moi qui vais vers les gens. D'ailleurs, dans les librairies, les gens sont tout à fait étonnés de voir à quel point je suis dynamique. Je ne supporte pas de rester assise derrière une table sans dire un mot. Il faut que j'aille voir les gens. Donc, je vais voir, je dis, vous connaissez, etc. Et je vends plein de bouquins comme ça. Ah oui, d'accord. Oui, donc bah oui, faut pas être timide, quoi. Non. Et en général, les lecteurs, quelquefois, enfin, je sais pas, moi, j'aborde rarement les écrivains. Pourtant, je suis une très très grande lectrice. Oui. Mais j'aborde rarement les écrivains. Oui, parce qu'ils sont trop en retrait, justement. Oui, c'est ça, c'est difficile. Oui. Alors que moi, je fais tout pour qu'on m'aborde, justement. Je vais au-delà, au devant. D'accord, oh ben c'est merveilleux. Alors, où on peut trouver vos livres quand même, c'est important. Alors, j'ai vu, je suis passée, comme j'avais du temps, je suis passée au hall du livre et j'ai vu qu'ils y étaient. D'accord, même le quatrième que je n'avais pas trouvé, moi. Oui, le quatrième. Ah d'accord, ben, oui. Il n'y était pas. Vous allez pouvoir les chercher. Voilà, il était peut-être en rupture de stock, hein, c'est tout le mal que je vous souhaite. Alors, merci à Anne Villemin-Sigerman d'être venue nous parler de son roman Le souper de Lafayette, publié aux éditions du Quotidien. J'ai changé d'éditeur, c'est les éditions Lavalette maintenant. Édition du Quotidien n'existe plus. Le premier est ressorti sous le nom publié par Édition Lavalette. Le quatrième aussi, le cinquième va sortir aussi sous ce nom-là. Et celui-ci va être republié sous le nom des éditions Lavalette. Elles se trouvent où ces éditions ? À Brèche-Villers. Ah d'accord, donc vous faites des infidélités à la Lorraine. Alors au revoir à tous. Et à bientôt. Merci Mona.